Chapitre 2. Quand Edith Crawford parut devant les tribunaux, protestant de son innocence et défendue par James Fenwick, l'un des plus grands avocats de l'Écosse, l'opinion du public était complètement contre elle. Il n'y avait qu'une infime minorité pour s'étonner qu'une jeune fille née et élevée dans le meilleur des milieux pût avoir conçu et exécuté un crime si affreux. Car le grand public, toujours emballé et illogique comme un enfant, disait que puisque Miss Crawford avait accepté d'épouser un arriéré, un contrefait, à cause de 100 000 livres qu'il possédait, elle pouvait aussi bien avoir assassiné et volé une vieille femme pour 50 000 livres de bijoux, c'est-à-dire pour une jolie fortune, et qui ne s'accompagnait pas, celle-là, d'un mari infirme. Et puis, peut-être la grande sympathie qui s'était élevée pour David Graham dans l'esprit public causait-elle ses préventions vis-à-vis de l'accusé. Le pauvre garçon perdait par ce meurtre la personne qu'il aimait le plus au monde, peut-être la seule personne qu'il aimât. Et il perdait aussi l'opulence que Lady Donaldson voulait lui donner. L'acte de donation n'avait pas été signé, et la grande fortune de la vieille dame, au lieu d'enrichir son neveu favori, allait revenir, puisqu'elle n'avait pas fait de testament, à ses héritiers légaux. Et pour comble d'infortune, David Graham voyait accuser de cet horrible crime la jeune fille qu'il adorait. L'affaire m'intéressa énormément, poursuit le vieil homme, et je m'empressai de partir pour Édimbourg afin de voir de près les acteurs de cet horrible drame. Je réussis à m'assurer une bonne place, et j'étais déjà confortablement assis quand l'accusé fit son entrée. Elle était très convenablement vêtue de noir, et son maintien sembla parfait. Monsieur James Fenwick, son éminent avocat, lui serra les mains chaudement, et je pus l'entendre lui dire des paroles de réconfort. Le procès dura 6 jours pleins, pendant lesquels plus de 40 témoins parlèrent. Les plus intéressants furent certainement les 2 médecins, la femme de chambre blanche, le bijoutier Campbell et David Graham. Les 2 médecins parlèrent peu. La pauvre Lady Donaldson avait été trouvée étranglée. Un mouchoir de soie lui en serrait étroitement le cou. D'autre part, à l'autopsie, une lésion au cœur avait été constatée, une lésion que la terreur peut suffire à produire chez un être âgé et nerveux. Ensuite, Blanche, la femme de confiance de Lady Donaldson, parut à la barre. Le soir du 23, avant le bal, j'aidai Miss Crawford à ajuster la tiare de diamants sur ses cheveux et ma maîtresse lui mit elle-même les 2 colliers. Il y avait aussi d'admirables broches, des bracelets et des boucles d'oreilles. À 4 heures du matin, le bal terminé, Miss Crawford rapporta les bijoux dans la chambre de ma maîtresse, qui était déjà dans son lit, et j'avais éteint l'électricité car j'étais sur le point de monter me coucher aussi. Une seule bougie se trouvait dans la chambre près du lit. Miss Crawford enleva tous les diamants et demanda à Lady Donaldson la clé du coffre-fort pour les y remettre. Ma maîtresse lui donna la clé et me dit « Montez donc vous coucher, Blanche, vous devez être affreusement fatiguée. » Je ne me fis pas prier car je pouvais à peine me tenir debout. Je souhaitai une bonne nuit à ma maîtresse et aussi à Miss Crawford, qui était occupée à mettre les bijoux dans le coffre-fort. Comme je sortais de la chambre, j'entendis Lady Donaldson dire « Avez-vous tout bien rangé, ma chérie ?» et Miss Crawford répondre « Oui, tout est en ordre. » En réponse à une question de l'avocat James Fenwick, Blanche dit que Lady Donaldson portait toujours la clé de son coffre-fort à un ruban attaché autour de son cou et qu'elle ne s'était pas départie de cette habitude pendant les jours qui avaient précédé sa mort. Le soir du lendemain 24, continua-t-elle, Lady Donaldson paraissait encore fatiguée. Elle monta dans sa chambre aussitôt après dîner, tandis que toute la famille restait dans la salle à manger. Elle mit une robe de chambre et s'assit dans un fauteuil avec un livre. Elle me dit qu'elle se sentait étrangement nerveuse et mal à l'aise, et cela sans raison. Pourtant, elle n'accepta pas mon offre de rester avec elle. Je crus utile d'avertir M. David Graham que sa marraine ne semblait pas en très bonne santé. Elle aimait tant, M. David. Cela la rendait toujours heureuse de l'avoir près d'elle. Je me rendais ensuite dans ma chambre. À 8h30, David Graham vint me dire « Votre maîtresse ne me paraît pas bien ce soir. Allez donc dans 1 heure écouter à sa porte, et s'il n'est pas encore couché, j'irai lui tenir compagnie. » À environ 10 heures, je fis ce que M. David m'avait conseillé et j'écoutai à la porte. Je n'entendis rien. La chambre était silencieuse. Pensant que ma maîtresse dormait, je remontai chez moi. Le matin, à 8 heures, en apportant le thé dans sa chambre, je vis Lady Donaldson étendue sur le plancher, sa pauvre chère figure violette et convulsée. Je me mis à crier et les autres domestiques accoururent. Alors M. Graham m'envoya chercher le médecin et la police. La pauvre femme de chambre déposait avec beaucoup d'émotion. Sir James Fenwick lui posa quelques questions, mais elle n'avait pas grand-chose à dire. « Quand vous avez écouté à la porte, à 10 heures, avez-vous essayé de l'ouvrir ?»« Oui, mais elle était fermée. » Lady Donaldson fermait-elle d'ordinaire sa chambre à coucher le soir ? Presque toujours. « Bien. Et le lendemain matin, quand vous avez apporté le thé, la porte était ouverte. Je suis entré directement. »« Vous en êtes absolument certaine ?»« Je le jure. » Après cela, nous apprîmes par divers témoins que Miss Crawford était venue à Charlotte Square, à l'heure du thé, dans l'après-midi du 24, et qu'elle avait annoncé à tout le monde son intention d'aller par le train de nuit à Londres pour y faire quelques achats. Monsieur Henry et David Graham essayèrent vainement de la garder à dîner. Elle aura pu prendre le train de 9h06 à la gare de Calédonie. Elle refusa, objectant qu'elle préférait partir de la gare de Waverley, plus proche de son logis. Mais les témoins déclarèrent avoir vu l'accusée près de Charlotte Square beaucoup plus tard dans la soirée. Elle portait un sac qui semblait lourd et se dirigeait vers la gare de Calédonie. Le moment le plus émouvant fut celui où, le second jour, David Graham, hagard, les vêtements en désordre, l'air malade, comparut à la barre. Un murmure de sympathie passa dans l'audience à sa vue, car il était une deuxième et peut-être plus pitoyable victime de la tragédie de Charlotte Square. Il raconta ainsi son dernier entretien avec Lady Donaldson. Blanche vint me dire qu'elle semblait fatiguée et anxieuse. Je montai donc pour bavarder avec elle. Bientôt elle s'égaya et... À cet instant, l'infortuné jeune homme hésita visiblement et il ne put continuer que grâce à un effort. Et elle parla de mon mariage et de la donation qu'elle allait me faire. Elle dit que les diamants seraient pour ma femme et après cela pour ma fille, si j'en avais une. Elle se plaignit aussi que McFinlay eût préparé un acte aussi compliqué et elle ajouta que c'était grand dommage que ses 100 000 livres n'aient pu simplement passer de ses mains dans les miennes sans tant d'histoire. Je restai à cause avec elle environ une demi-heure. Alors, comme elle semblait disposée à se coucher, je la quittai. Mais je dis à la femme de chambre de venir écouter à la porte une heure plus tard. Le coroner se leva. Un grand silence s'étendit sur l'assemblée. On aurait dit que la question qui allait être posée voltigeait déjà dans l'air, et que chaque oreille en avait entendu les mots avant qu'ils fussent prononcés. « Vous avez été fiancée à Miss Crawford, n'est-ce pas ?» On devina plutôt qu'on entendit l'imperceptible « oui » qui échappa des lèvres livides de David Graham. À la suite de quelles circonstances cet engagement fut-il rompu ? Sir James Fenwick se levait pour protester, mais David Graham avait déjà dit « Je ne puis répondre à cette question. »« Je la poserai alors sous une forme différente, » dit le coroner, « sous une forme qui la fera accepter et de vous et de mon savant ami, Sir James Fenwick. Avez-vous ou n'avez-vous pas reçu, le 27 octobre, une lettre de l'accusé dans laquelle elle se dégageait de sa promesse de mariage ?» Cette fois encore, David Graham ne voulut pas parler, et certainement il ne donna aucune réponse perceptible, mais tout le monde lut, dans la contenance désolée et les grands yeux pleins de douleur, le sinistre « oui » que n'avaient pas prononcé ses lèvres tremblantes.